1. Introduction, explorer le concept de la source. Dans notre quête de sens et de but, beaucoup d'entre nous recherchent une connexion plus profonde avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes, une source de sagesse, d'amour et de conseils. Ce désir inné de se connecter à la source, souvent appelé le divin, l'univers ou une puissance supérieure, a été exploré par diverses traditions spirituelles pendant des siècles. La méditation est un outil puissant pour approfondir cette connexion, nous permettant de puiser dans le vaste réservoir de sagesse et de clarté qui existe à l'intérieur. Dans cet article, nous approfondirons différentes techniques de méditation spécialement conçues pour améliorer notre connexion avec la source, nous permettant d'accéder à son pouvoir de transformation et à ses conseils dans notre vie quotidienne. Que vous soyez un méditant chevronné cherchant à approfondir votre pratique ou un débutant cherchant à explorer les royaumes de la source, ces techniques serviront de voie vers une plus grande connexion spirituelle et une découverte de soi. Comprendre la source. Imaginez ceci, la source est comme le Wi-Fi cosmique ultime, le point d'accès universel d'où viennent toutes les bonnes choses. C'est cette énergie divine, cette intelligence cosmique, qui nous relie à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Certains l'appellent Dieu, l'univers ou simplement la source. Peu importe comment vous l'appelez, c'est la force qui donne un sens et un but à nos vies. L'importance de la connexion. Nous avons tous soif de connexion. Et pas seulement le genre que vous obtenez en regardant votre émission de télévision préférée ou en parcourant les médias sociaux. Nous parlons d'une connexion profonde et émouvante qui nourrit votre esprit et vous fait vous sentir vivant. Se connecter à la source, c'est comme se brancher à la source d'alimentation ultime, cela vous donne l'énergie, les conseils et l'inspiration pour vivre votre meilleure vie. Donc, si vous êtes prêt à améliorer votre jeu de connexion, la méditation est votre outil de confiance pour y arriver. 2. Comprendre la méditation, une voie pour se connecter avec la source. Qu'est-ce que la méditation? La méditation n'est pas réservée aux moines ou aux amateurs de yoga. C'est une pratique pour tous ceux qui veulent calmer leur esprit, trouver la paix intérieure et passer du temps de qualité avec la source. Dans sa forme la plus simple, la méditation revient à appuyer sur le bouton pause du chaos de la vie et à se connecter à sa propre sagesse intérieure. C'est une façon d'entraîner votre cerveau à se concentrer, à abandonner les distractions et à être présent ici et maintenant. Les bienfaits de la méditation. Bon, parlons avantages. La méditation est comme un entraînement de gym mental, moins la sueur et le lycra. Il aide à réduire le stress, à stimuler la créativité et à améliorer le bien-être général. C'est comme un élixir magique pour votre esprit, votre corps et votre âme. De plus, c'est gratuit et vous pouvez le faire n'importe où, même en pyjama. Donc, si l'idée de se sentir plus détendu, centré et connecté à quelque chose de plus grand vous semble attrayante, la méditation est votre nouvelle meilleure amie. 3. Respiration et visualisation, technique pour améliorer la connexion. Approfondir le souffle. La respiration est comme l'arme secrète de votre arsenal de méditation. C'est simple mais incroyablement puissant. Prendre des respirations lentes et profondes aide à calmer votre esprit, à détendre votre corps et à créer une ligne de communication directe avec la source. Alors, inspirez les bonnes vibrations, expirez le stress et laissez votre respiration vous guider vers une connexion plus profonde. Utilisez la visualisation comme un outil. La visualisation est comme rêver avec un but. C'est une façon d'utiliser votre imagination pour améliorer votre pratique de la méditation et renforcer votre connexion avec la source. Imaginez-vous dans un jardin paisible, entouré de belles fleurs et d'une douce brise. Imaginez-vous absorbant l'énergie aimante de l'univers, remplissant votre cœur et votre âme de lumière. Visualisez la connexion se renforcer à chaque respiration. Soyez créatif et laissez votre esprit vagabonder, de manière ciblée, pour tirer le meilleur parti de votre voyage de méditation. 4. Méditation mantra, exploitez le pouvoir du son et des vibrations. Explorez les mantras. Les mantras sont comme des incantations magiques qui vous aident à puiser dans la fréquence de la source. Ce sont des phrases ou des sons simples et répétitifs qui créent une vibration positive dans votre conscience. Que ce soit OM, je suis amour ou, j'ai confiance dans le flux de la vie, trouvez un mantra qui résonne en vous et répétez-le comme un chant cosmique. C'est comme chanter abracadabra et regarder l'univers opérer sa magie. Comment pratiquer la méditation mantra? Prêt à mettre votre mantra? Trouvez une position confortable, fermez les yeux et répétez le mantra que vous avez choisi en silence ou à haute voix. Laissez le son et la vibration des mots remplir tout votre être. Chaque fois que votre esprit commence à vagabonder, et faites-nous confiance, il le fera, ramenez doucement votre attention sur le mantra. C'est comme jouer au taupe mental, mais avec amour. Avec la pratique, vous vous retrouverez à vous enfoncer plus profondément dans la connexion avec la source, un mantra apaisant à la fois. N'oubliez pas que la connexion avec la source est un voyage personnel et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire. Alors, embrassez votre unicité, amusez-vous avec votre pratique de la méditation et laissez les vibrations cosmiques vous guider vers une connexion plus profonde. Bonne méditation. 5. Méditation chakra, équilibrer les centres d'énergie pour la connexion à la source. Comprendre les chakras. Imaginez votre corps comme une autoroute énergétique avec 7 tarés majeurs en cours de route, ce sont vos chakras. Chaque chakra représente un aspect différent de votre être, de la vitalité physique à l'illumination spirituelle. Comprendre les chakras, c'est comme avoir une carte Google Maps pour votre flux d'énergie. Activez et équilibrez les chakras. Maintenant que nous savons ce que sont les chakras, mettons-les en marche et en parfaite harmonie. La méditation chakra consiste à se concentrer sur chaque centre énergétique, à visualiser sa couleur vibrante et à abandonner tout blocage susceptible d'entraver le flux. Considérez-le comme un lavage de voiture énergétique, donnant à vos chakras un bon gommage pour que tout fonctionne bien. 6. Pleine conscience et conscience du moment présent, cultivez une connexion plus profonde. L'essence de la pleine conscience. Imaginez ceci, vous êtes assis les jambes croisées, vous vous sentez comme un sage gourou, et soudain vous réalisez que vous avez oublié de nourrir votre chat. C'est la pleine conscience en un mot, l'art d'être pleinement présent dans l'instant, sans jugement. Il s'agit de déplacer votre attention du passé ou du futur vers l'ici et maintenant, comme appuyer sur le bouton pause du chaos de la vie. Pratiquez la conscience du moment présent. Préparez-vous, car nous sommes sur le point d'être zen. Pratiquer la pleine conscience peut être aussi simple que de se concentrer sur sa respiration, d'observer ses pensées sans se laisser prendre par elles ou de savourer chaque bouchée de ce délicieux biscuit aux pépites de chocolat. En amenant la conscience au moment présent, vous ouvrez la porte à une connexion plus profonde avec la source. 7. Espace sacré et rituel, créer un environnement propice à la connexion à la source. Augmentez l'énergie de votre environnement. Êtes-vous fatigué de méditer à côté d'une pile de linge ou d'être interrompu par la musique forte de votre colocataire? Il est temps de créer un espace sacré qui nourrit votre connexion source. Débarrassez-vous de l'encombrement, apportez des éléments apaisants comme des bougies ou des cristaux et faites-en votre oasis personnelle. Considérez-le comme un mini-lieu de vacances pour votre âme. Utilisez des rituels pour la connexion à la source. Qui a dit que les rituels devaient être réservés aux sorcières et sorciers? L'intégration de rituels dans votre vie quotidienne peut améliorer votre connexion à la source. Qu'il s'agisse d'allumer une bougie avant la méditation, de consigner vos pensées dans un journal ou de créer une pratique de gratitude, les rituels fournissent une structure réconfortante qui vous aide à puiser dans l'énergie cosmique qui vous entoure. 8. Intégrer la connexion à la source dans la vie quotidienne, conseils et pratiques pour une connexion durable. Intégrer la connexion à la source dans les activités de routine. La connexion à la source ne doit pas nécessairement être limitée à votre temps de méditation désigné. Vous pouvez l'infuser dans vos activités quotidiennes, comme marcher dans la nature, cuisiner un repas nourrissant ou même faire la vaisselle, oui, vraiment. En apportant pleine conscience et intention à ces tâches routinières, vous les transformez en moments sacrés de connexion. Conseils pratiques pour maintenir la connexion. Nous comprenons, la vie est occupée, et parfois votre connexion source semble être enveilleuse. Mais n'ayez crainte, car nous sommes là pour vous avec quelques conseils pratiques pour vous aider à rester connecté. De la création d'une pratique de méditation cohérente à la définition de rappels tout au long de la journée, ces petits boosts permettront à votre connexion source de prospérer même pendant les périodes les plus mouvementées. Alors pas d'excuses, d'accord ? En conclusion, la méditation offre une profonde opportunité d'approfondir notre connexion avec la source. En pratiquant la respiration, la visualisation, la méditation mantra, la méditation chakra, la pleine conscience et la création d'espaces sacrés, nous pouvons cultiver une connexion plus soutenue et plus profonde. En intégrant ces pratiques dans notre vie quotidienne, nous nous ouvrons à la sagesse et aux conseils de la source, expérimentant une transformation profonde et une paix intérieure. Embrassez le pouvoir de la méditation et lancez-vous dans un voyage de découverte de soi et de connexion spirituelle avec la source qui enrichira votre vie d'innombrables façons. FAQ. 1. Puis-je pratiquer ces techniques de méditation quelles que soient mes croyances religieuses ou spirituelles ? Oui, les techniques de méditation sont adaptées à toutes les croyances religieuses ou spirituelles. 2. Combien de temps faut-il pour expérimenter une connexion plus profonde avec la source grâce à la méditation ? Le temps nécessaire pour une connexion plus profonde varie selon l'individu, mais des progrès sont souvent ressentis après quelques semaines de pratique régulière. 3. Ai-je besoin d'équipements ou d'outils spéciaux pour pratiquer ces techniques ? En général, aucun équipement spécial n'est requis, mais un endroit calme et confortable peut être utile. 4. La méditation peut-elle m'aider à surmonter les défis et à trouver des conseils dans ma vie ? Oui, la méditation peut aider à surmonter les défis et à obtenir des conseils en favorisant la clarté mentale et l'intuition. Page 23, nous allons parler des différents corps en spiritualité. Page 23.